La discorde. Fable numéro 20 du livre 6e des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. La discorde. La déesse discorde ayant brouillé les dieux et fait grand procès là-haut pour une pomme, on la fit déloger des cieux. Chez l'animal qu'on appelle homme, on l'a reçue à bras ouverts. Elle, et que si que non son frère, avec tien et mien son père. Elle nous fit l'honneur en ce bas univers de préférer notre hémisphère à celui des mortels qui nous sont opposés, gens grossiers, peu civilisés, et qui, se mariant sans prêtre et sans notaire, de la discorde n'ont que faire. Pour la faire trouver au lieu où le besoin demandait qu'elle fût présente, la renommée avait le soin de l'avertir, et l'autre, diligente, courait vite au débat et prévenait la paix. Faisant d'une étincelle un feu long à s'éteindre, la renommée enfin commença de se plaindre qu'on ne lui trouvait jamais de demeure fixe et certaine. Bien souvent, l'on perdait à la chercher sa peine. Il fallait donc qu'elle eût un séjour affecté, un séjour d'où l'on put, en toutes les familles, l'envoyer à jour arrêté. Comme il n'était alors aucun couvent de filles, on y trouva difficulté. L'auberge enfin de l'Hyménée lui fut pour maison assignée. Fin de la discorde. Fable numéro 20 du livre 6e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public.